Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, et trois jours après la défaite au second tour de la présidentielle de Marine Le Pen, retour sur le 21 avril 2002, le jour où son père, Jean-Marie, lui aussi accédait au second tour, mais c'était la première fois qu'on voyait l'extrême droite dans cette position. D'où la sidération, le choc pour beaucoup de Français, la surprise et l'anxiété souvent. On aura employé toutes les expressions possibles et imaginables pour qualifier ce jour très particulier de la vie politique française. Dans le langage politique et médiatique, le PS s'est retrouvé victime d'un séisme, d'une bérésina et même d'un 11 septembre, a-t-on dit. On aura tout dit, oui, de la cécité de nos élites et des instituts de sondage qui n'ont rien vu venir et des journalistes qui n'ont rien vu ou rien voulu voir. Au bout du compte, le Front National s'intègre dans la vie politique française comme assimilé, si je puis dire. Marine Le Pen en fera l'alpha et l'oméga de son parcours. En transformant le FN en parti présentable et plus si affinité, elle aura retourné une terre par son père rendue fertile en ce soir du 21 avril 2002. Mais 20 ans plus tard, l'extrême droite en est au même point à regarder le grand soir pour les autres. Notre invité aujourd'hui, Thomas Legrand, éditorialiste politique sur France Inter, bien sûr. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, évidemment. Récit documentaire Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Camille Mathy. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En ce mois d'avril 2002, c'est le début de la fin de la deuxième cohabitation la plus longue, 5 ans. 5 ans de partage du pouvoir entre Jacques Chirac, le président débonnaire et des affaires, et Lionel Jospin, l'homme de la gauche plurielle, des 35 heures, du Pax, de la loi sur la présomption d'innocence, des emplois jeunes, de la police de proximité et de tant de réformes. Rarement un gouvernement n'aura autant changé la société. Dans un contexte financier et des marges de manœuvre, il est vrai bien supérieur à celle de nos gouvernants depuis 2008, depuis la crise. 21 avril 2002, fin d'après-midi. Chaque candidat rejoint son QG. Lionel Jospin, rue Saint-Martin, à l'atelier dans le 3e arrondissement de Paris. Jacques Chirac, au tapis rouge, rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e. Ça fait bientôt 5 ans que se joue entre Matignon et l'Élysée une rivalité de pouvoir. C'est long, 5 ans. Alors chacun des deux dirigeants attend avec impatience l'explication finale. Pourtant, ce 21 avril 2002, la France hésite à suivre le scénario distillé depuis plusieurs mois dans les médias. Car en vérité, les instituts de sondage piétinent, les certitudes d'hier s'effritent, tout se jouera, finalement, dans un mouchoir de poche. Et dès le premier tour, il est 18h45, les urnes ont parlé. À l'époque, le secret arrive à être gardé dans les rédactions et les QG. On sait, les Français, eux, attendent la grand-messe de 20h, la cérémonie. Et là, deux visages apparaissent, stupeur. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise. Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%, Robert Hue, 3,6%. Jean-Marie Le Pen, le candidat du Front National, est au second tour de la présidentielle. Lionel Jospin n'est que le troisième homme, 16,2%, à 194 000 voix du candidat de l'extrême droite. Comment est-ce possible? Quand la campagne a-t-elle déraillé? Que s'est-il passé dans l'état-major socialiste? L'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour était-elle prévisible, donc évitable? Avant 2002, le 21 avril est la date d'une autre surprise, celle de 1997. Oui, c'est un 21 avril que Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale. Alain Juppé et ceux qui restent de ses jupettes sont renvoyés devant les électeurs. Or, c'est la gauche qui l'emporte et tout le monde ricane de la bévue d'un président qui a scié la branche sur laquelle il était assis. Lionel Jospin, leader incontesté des socialistes depuis son excellente tenue à la présidentielle de 95, est nommé à Matignon et débarque avec des ministres écologistes, communistes, radicaux de gauche. C'est ce qu'on a appelé la gauche plurielle. La voilà au pouvoir. Et le chômage diminue. Mais la précarité et le déclassement demeurent pour une partie des Français. Ainsi, malgré le million de personnes qui ont retrouvé un emploi, les élections municipales de mars 2001 sanctionnent la majorité rose, verte, rouge, mouvement de balancier classique. Mais bon, les victoires symboliques de la gauche à Paris et à Lyon produisent l'effet de loupe habituel. Le pouvoir n'apparaît pas comme vraiment sanctionné. Lionel Jospin est donc toujours en situation pour défendre les couleurs du PS à la prochaine présidentielle. Et c'est au cœur de l'exercice du pouvoir que commence la campagne, à Matignon comme à l'Élysée. Tout de même, au lendemain de la défaite des municipales, la gauche plurielle s'effrite. Chacun souhaite reprendre son indépendance et ainsi redistribuer les cartes de la majorité. Pour Lionel Jospin, chaque sensibilité de la gauche a le droit de concourir, alors toutes tentent leur chance. Robert Rue pour le Parti communiste par tradition, Noël Mamère pour les Verts par ambition, Christiane Taubira aussi pour les radicaux de gauche. Une seule candidature pose vraiment problème, celle de Jean-Pierre Chevènement, qui apparaît aux yeux de Lionel Jospin décalé, inutile. C'est le 4 septembre 2001 qu'il annonce sa candidature. C'est prêt ? Vous y allez ? Voilà. Bonne journée. À bientôt. Bon courage. Vous voyez, ça fait déjà une voix. Ou bien vous choisirez le chef d'un des deux partis qui se partagent le pouvoir. Ou bien vous chercherez à discerner qui peut être, dans ces temps d'incertitude, l'homme de la nation. C'est ce président de la République que je veux être, et voilà pourquoi je me déclare candidat. Et allez savoir pourquoi, mais Jean-Pierre Chevènement devient l'homme à la mode. Oui, le troisième, selon certains sondages de l'automne 2001. Celui qui pourrait pousser Jospin vers la sortie. Alors dans ses meetings, le maire de Belfort ne se gêne pas pour taper sur l'ami d'hier. Pour lui, Jospin Chirac, ce sont, selon sa propre formule, les candidats du pareil au même. Au petit jeu des candidatures à gauche, l'extrême-gauche s'active aussi pour peser dans la balance. Arlette Laguiller d'abord, la trotskiste qui accompagne nos soirs d'élection depuis 1974 pour lutte ouvrière, comme un élément du décor qui finit par être attachant. Et puis Olivier Besancenot pour la LCR, l'utopie révolutionnaire sous les traits d'un genre idéal. 7 candidats en tout se partagent les voix de la gauche non-socialiste. À droite, les candidats aussi refusent le monopole du RPR. Seul Charles Pasqua renonce à se lancer dans la course. À l'inverse de François Bayrou, Corinne Lepage, Christine Boutin, Jean Saint-Jos et Alain Madelin, tous candidats. Lionel Jospin et Jacques Chirac, les deux têtes de gondole, regardent tout cela de loin, ou plutôt de haut. Et ils s'affrontent à distance, attendant que chacun se porte officiellement candidat. Le 11 février 2002, à Avignon, Jacques Chirac annonce sa candidature auprès de la maire de la ville qui jubile. 9 jours plus tard, Lionel Jospin choisit le fax pour s'adresser aux Français. Une méthode à la fois simple, dans sa symbolique, mais froide et lointaine. Première erreur d'une campagne qui en produira d'autres. Trop. Dans la logique de la Ve République, arrimée au principe de l'incarnation, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec un pays, un peuple. Alors un fax, franchement. Enfin bon, Chirac Jospin, le duel attendu et finalement très convenu, se présente. Fin février, Lionel Jospin est en tête des intentions de vote. Alors le Premier ministre candidat est interrogé sur le thème de l'insécurité, qui comme d'habitude est un thème prégnant de la campagne, mais cette fois, plus que jamais. Le 3 mars, il répond à cette problématique sur le plateau de Claire Chazal. J'ai le regret de constater que l'insécurité a progressé pendant ces 5 années, pas d'ailleurs de façon continue, et en outre, c'est une tendance qui avait commencé avant nous, mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer. Et moi, j'ai péché un peu par naïveté, non pas par rapport à l'insécurité, j'étais très conscient qu'il fallait mobiliser des moyens contre, et nous l'avons fait d'ailleurs, nous avons nommé plus de policiers, plus de magistrats, plus d'éducateurs. Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous-emploi, pour l'insécurité. On a fait reculer le chômage. 928 000 personnes encore aujourd'hui ont retrouvé du travail. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité. Naïveté. Aïe. La réponse de Jacques Chirac ne se fait pas attendre. Et le 6 mars à Strasbourg, effectivement, il répond à son Premier ministre. On n'a pas eu le courage et la volonté de combattre l'insécurité avant qu'elle ne prenne les proportions que l'on connaît aujourd'hui. On l'a laissé monter sans oser prendre les décisions nécessaires pour l'endiguer. Et c'est la raison pour laquelle je n'hésite pas à dire que le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité. Vous savez, la naïveté n'est pas une excuse, et même en l'occurrence, c'est une faute. À la fin du mois, nouvelle erreur. Oubliant que le off avec les journalistes est un leurre, Lionel Jospin explose en plein vol entre La Réunion et Paris. Il se laisse aller dans l'avion et confie aux journalistes qu'il trouve le président fatigué, vieilli, victime d'une certaine usure. Polémique, réaction, la déclaration tourne en boucle. Et la réponse de Jacques Chirac aux 20h de France 2 est cinglante. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps... Je n'ai pas souri. Pas du tout. Pas pour moi, naturellement. Mais pour les Français. Qu'est-ce que j'entends ? Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion. Même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Alors, je pense que les Français ont droit à autre chose, à un véritable débat digne d'une démocratie. En tous les cas, moi, je continuerai parce que je critique cette dérive, je m'inquiète de cette dérive, je ne m'associerai pas à cette dérive, et ça me fait, je le répète, finalement, pas rire du tout. Nouvelle passe d'armes entre le président et son premier ministre. La campagne de 2002 se limite à une succession de petites phrases, des sortes de proto-tweets qu'on publie en une des journaux et qu'on commente à la machine à café au travail. À ce petit jeu, Lionel Jospin les collectionne. Voilà qu'il déclare que son programme est moderne mais pas socialiste, oubliant un autre axiome politique. On rassemble ses électeurs au premier tour, c'est au second qu'on élargit. Pendant ce temps, les instituts de sondage comptent les points. Jacques Chirac et Lionel Jospin sont désormais au coude à coude autour des 20%. Jean-Pierre Chevènement, lui, s'effondre. Le vent porteur de sa candidature n'aura pas passé l'hiver. En fait, c'est un revenant qui retrouve des couleurs. Jean-Marie Le Pen. En même temps, le leader du Front National n'en est pas à sa première campagne. Député sous la 4e lors de la vague poujadiste, il fonde son parti en 1972 et participe à presque toutes les élections présidentielles. En 1995, il est le 4e homme à 15% derrière Édouard Balladur. En 40 ans de carrière, il connaît parfaitement la mécanique des campagnes, l'importance des séquences dans le calendrier de l'élection, le rôle des médias, leur tempo, un vrai pro. À l'automne 2001, l'homme du détail, des dérapages, des coups de sang qu'on pensait finis bouge encore. Et un dimanche de novembre 2001, c'est Serge Moati qui le sort de son château de Saint-Cloud et l'invite à débattre dans son émission Riposte avec plusieurs invités, dont Malek Bouti, président de SOS Racisme. Et c'est finalement un débat sans heurts ni fracas qui s'ouvre et se poursuit sur le même mode. Le Jean-Marie Le Pen nouveau serait-il arrivé ? À la mi-mars, il est devenu l'un des sujets de la pré-campagne, parce qu'il nous refait le coup des 500 signatures que les élus ne veulent pas lui octroyer. La polémique devient un débat et désormais chaque candidat est interrogé sur la possible non-participation à la présidentielle de Jean-Marie Le Pen, qui est tout de même crédité à ce moment-là, de plus de 10% des intentions de vote. Les journalistes accompagnent alors les rabatteurs frontistes à la recherche des signatures. Et au bout du compte, et comme d'habitude, il les a, ces signatures. Le 4 avril, il l'annonce devant les caméras, il sera de la partie. Malgré les manœuvres qui ont essayé de nous empêcher d'avoir le nombre de signatures nécessaires, je viens à l'instant de déposer la 503e signature. Par conséquent, je serai candidat. Et de 16, oui, 16 candidats pour cette présidentielle de 2002, un record. Au QG de Saint-Cloud, au siège du FN, on offre le champagne, on chante et on danse avec les filles du président. Une première victoire, qui en appelle d'autres ? Au bistrot, comme toujours, il y a les beaux discours. Au poteau, les pourris, les corrompus aussi. Dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun deviendra le roi de la foire au pognon qui se trame ici à la danse. De l'ordre, des jeux de l'essence, quand on vivait. face, on n'a pas le choix pile en face. Et aujourd'hui je jure que rien ne se passe, toujours à peu près. FN, souffrance, connais bien en France, c'est l'heure de changer la monnaie. On devra encore imprimer le rêve de l'égalité, on ne devra jamais supprimer celui de la fraternité. Reste des pointillés. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Le fait! Non, c'est l'inverse! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La vie est belle, le ciel est bleu. Qu'est-ce qu'on attend pour... Mais pendant que Jean-Marie Le Pen chante, le Parti communiste pleure ses élus disparus. Il y a quelques jours, un drame est survenu à Nanterre. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2002, un homme a tiré en plein conseil municipal et a tué 8 élus en majorité communiste et blessé 19 personnes. À moins d'un mois du premier tour, les drapeaux sont en berne, la campagne est suspendue, mais la polémique reprend très vite ses droits, car le forcené s'est suicidé en plein interrogatoire. Alors en meeting, Jacques Chirac s'interroge sur les dysfonctionnements des services du ministère de l'Intérieur et de la chancellerie qui font partie du gouvernement de Lionel Jospin, son adversaire. Et il propose, s'il est élu, de faire voter deux lois sur la sécurité et la justice. Lionel Jospin, lui, refuse d'entrer de plein pied dans le débat de l'insécurité. Il garde son cap. Nous portons un grand projet qui est de rassembler les Français en nous appuyant sur les acquis d'une action gouvernementale honnête, honorable, persévérance, en prenant la mesure d'une campagne étroite, obsédante, centrée sur un seul problème, que certes nous ne négligeons pas, la sécurité, mais qui ne doit pas en même temps envahir tout l'espace, obscurcir notre destin, comme si les Français devaient être simplement animés par la peur et par la peur d'eux-mêmes, comme s'il ne fallait pas leur parler de justice, d'éducation, d'Europe, du monde, comme si il s'agissait d'être candidat au poste de ministre de l'Intérieur et non pas candidat à la présidence de la République de la France. La sécurité, l'autorité, la délinquance remplissent chaque jour les colonnes de nos journaux et les meetings des candidats. Dans chaque équipe de campagne, on cherche le slogan, la bonne formule pour répondre à l'attente des Français. L'image fait le reste, comme pour François Bayrou qui gifle devant les caméras un jeune enfant qui lui faisait les poches. Tant pis pour les joues du gamin qui s'en remettront, mais pour le candidat centriste, c'est un très bon coup. C'est l'impression qu'on gardera de lui qui compte, genre prof attaché à l'autorité. Bingo ! Le soir du premier tour, François Bayrou finira quatrième avec 6,84% des voix devant Jean-Pierre Chevènement, Arlette Laguiller et Noël Mamère qui réalise un excellent 5%. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le 16 avril, à 5 jours du premier tour, les bons sondages du début de la campagne de Lionel Jospin se sont gravement effrités. La dynamique est comme stoppée. Sous l'œil des caméras de Jérôme Gaza et Stéphane Meunier qui suivent la campagne auprès des socialistes, Gérard Le Gall, l'homme des sondages, annonce les dernières tendances. Alors, sur les intentions de vote, il y a quand même un fait. C'est la proximité, en tout cas dans les sondages, entre le score le plus haut de Le Pen et le score le plus bas de Lionel. C'est-à-dire que le Front, on va dire que le Front National peut être devant Lionel, c'est ça? Exactement, c'est ce que j'ai dit hier matin. Statistiquement, quand quelqu'un est à 16,5 et l'autre est à 14, statistiquement, on dit politiquement, j'y crois pas, mais je dis que c'est un élément de réflexion. Ah non, mais c'est un fait. Bon, ok, j'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser. Je suis désolé, mais... Oui, alors, le fait de ne pas parler d'un certain nombre de choses, c'est encore plus ambigu. Non, c'est pas bon, ce que je veux dire, tu sais très bien, Gérard, tu sais très bien ce que je veux dire, et que si le moindre espace existe pour utiliser cet argument, c'est un argument de perdant. Je vous déconseille de l'utiliser, et même d'en parler. Ben, je veux dire qu'il y a déjà des gens qui en ont parlé, qu'ils le disent. Voilà comment Jean-Marc Ayrault refuse de sonner le tocsin du risque Front National au second tour. Jean Glavany, le directeur de la campagne de Lionel Jospin, tranche pour un appel aux militants autour du vote nécessaire, du vote éclairé, du vote efficace. Bien, les socialistes ont juste sous-estimé le risque Le Pen, comme les journalistes. Il reste 5 jours, 5 jours à battre la campagne, à récolter les dernières voix, à faire oublier les maladresses sur l'insécurité, la mondialisation, les fermetures d'usines. 5 jours pour redonner espoir et au pire, limiter la casse, passer ric-rac, mais passer et accéder au second tour. D'ailleurs, le 18 avril, le dernier sondage Ipsos donne Jacques Chirac à 20%, Lionel Jospin à 18% et Jean-Marie Le Pen à 14%. Bon, classique. Jusqu'à l'arrivée de cette information qui va bouleverser la campagne. Du pavillon de Paul, il ne reste qu'une carcasse calcinée. Jeudi soir, vers 23h, les voyous qui tentaient de racketter le vieil homme y ont mis le feu, après avoir sauvagement roué de coups son propriétaire. De son lit d'hôpital, Paul Voise raconte son calvaire. C'est mieux de deux jeunes qui étaient grands, qui venaient de me demander de l'argent. Moi, j'en avais pas. J'en ai même pas en ce moment, pour que je passe à la poste en chercher. Et puis, ils sont vengés, quoi. Ulcérés par l'agression de ce modeste retraité, les habitants de son quartier ont créé un comité de soutien. Aujourd'hui, hébété dans les ruines, seule la solidarité de ses voisins vient réconforter le vieillard. Paul Voise est l'un des habitants de l'Argonne, un quartier chaud d'Orléans. Il avait déjà porté plainte pour tentative de racket. 20 avril, nous sommes à la veille du premier tour. Les médias n'ont plus le droit de parler de la campagne. Alors dans ces conditions, l'agression d'un vieil homme à Orléans fait la une et prend une place considérable. En tout cas sur TF1, qui montre et remontre le visage tuméfié du vieillard qui pleure, qui proteste et qui émeut forcément. Et les autres chaînes suivent. Émotion, force des images, choc des mots. Roger Gicquel aurait dit en son temps « la France a peur ». Le problème, c'est que le lendemain, la France vote. 21 avril 2002, l'attente. Quand Lionel Jospin arrive à son siège de campagne, il ne connaît pas encore les résultats. Il monte le grand escalier avec sa femme, puis entre dans la war room. Et là, il découvre des visages fermés. C'est Gérard Le Gall qui lui annonce la nouvelle. Incroyable. Lui, Lionel Jospin, qui a gouverné la France pendant 5 ans et qui l'a si profondément réformé. Lui, le candidat des socialistes, disqualifié. Non, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Oh, pas de cris, pas de larmes, pas le genre de Jospin. Mais le coup de massue est épouvantable. Le vaincu prend acte. Que peut-il faire d'autre? Il s'enferme dans son bureau pour rédiger son intervention. À 22h20, il apparaît devant les caméras. Applaudissements, honneur. Il prend la parole une dernière fois pour une déclaration historique qu'on verra des centaines et des centaines de fois. Et ce n'est pas fini, la preuve. Mesdames, Messieurs, si comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Jusque-là, je continuerai naturellement d'exercer ma fonction de chef du gouvernement. J'exprime mes regrets et mes remerciements à tous ceux qui ont voté pour moi et je salue les Français que j'ai servi de mon mieux pendant ces 5 années. J'invite les socialistes et la gauche à se mobiliser et à se rassembler dès maintenant pour les élections législatives afin de préparer la reconstruction de l'avenir. Je vous remercie. De Gaulle s'était retiré en Irlande. Pour Jospin, ce sera l'île de Ré, la tentation d'une île, après un tel choc. Le deuxième tour n'est plus son affaire, il disparaît. Une fois dans le journal Le Monde en février 2003, on a de ses nouvelles. Puis, avant la présidentielle de 2007, on le voit notamment sur le plateau de Riposte animé par Serge Moatti. Ses enfants, orphelins, diront certains, s'appellent Martine Aubry, Manuel Valls, Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici, François Hollande et tant d'autres. Une génération qui reviendra aux affaires en mai 2012. Mais là, il faut préparer la bataille des législatives, reconstruire, remobiliser les abstentionnistes. Et ils étaient, rappelons-le, 28,4% le 21 avril 2002, un record. Au paquebot, le siège de son parti, Jean-Marie Le Pen exulte. N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance. L'événement, c'est le 5 mai. En attendant, n'ayez pas peur de rêver. Vous, les petits, les sans-grades, les exclus, ne vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de la gauche et de la droite. Vous qui avez supporté depuis 20 ans toutes les erreurs et les malversations des politiciens, vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euro-mondialisme de Maastricht, vous les agriculteurs aux retraites de misère, et acculés à la ruine et à la disparition. Vous aussi, qui êtes les premières victimes de l'insécurité dans les banlieues, les villes et les villages. J'appelle les Françaises et les Français, quelle que soit leur race, leur religion ou leur condition sociale, à se rallier à cette chance historique de redressement national. J'appelle au rendez-vous de la fraternité française, place et avenue de l'Opéra le 1er mai, fête de Jeanne d'Arc et des travailleurs de France, pour préparer ensemble la deuxième étape de la Renaissance française, le deuxième tour de l'élection présidentielle, celui de la victoire. El pueblo unido jamás será vencido. Jean-Marie Le Pen, on connaît tout, sa pensée politique, son rejet de l'Europe, de l'étranger, la violence de ses mots, de ses gestes, parfois, tout a été dit. Résultat, près de 5 millions de voix et une qualification au second tour. À gauche, on investit la rue comme un réflexe face au traumatisme, on marche, on hurle, on se rassemble pour trouver des mots face à l'incompréhensible. Sauf qu'on marche à l'envers, car il y avait une façon bien plus efficace de faire barrage à Jean-Marie Le Pen, les urnes, plutôt que la rue. Alors le 5 mai, sans surprise, Jacques Chirac conserve les clés d'Élysée avec plus de 82% des voix. Il ne prendra pas un ministre socialiste alors que tant d'électeurs de Lionel Jospin ou d'autres composantes de la gauche ont voté pour lui. Bon, certes pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, mais tout de même. D'ailleurs, dans ses mémoires, Jacques Chirac lui-même reconnaît que sur ce plan-là, il a commis une erreur. Toi, ça ne te ressemble pas, toi mon pays en capitale, que j'ai foulé de mes premiers pas. Toi, tu sais comme j'ai honte parfois, de l'image que tu donnes à voir, des idées qui battent ton trottoir. Vois, toi qui fais tant partie de moi, comme je voudrais mettre les voiles. Toi et tes millions de gens comme moi, qui ont chopé le mal du pays, mais qui oseraient vasser dans leur lit. Vois cette majorité silencieuse, qui est trop timide, qui est trop frileuse, face aux loups qui sortent du bois. Vois, vois comme tu gâches ton paysage, la peur plaquée sur ton visage. Toutes les voiles dehors, mais dès que je change de décor, je repense à toi. ça ne te ressemble pas. Toi qui ne mesures plus ta chance, tu ricanes de tes présidences. Je vois comme tu mets la haine au devant. Sensationnelle révélation et ce cynisme dans le vent. L'emprise que tu as sur moi, et dis-moi que tu changeras. Toutes les voiles dehors, mais dès que je quitte ton décor, je reviens vers toi. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le 21 avril 2002, il y a 20 ans, c'est à la fois loin et proche. Donc, le Front National accédait au second tour de l'élection présidentielle. 20 ans après, bonjour Thomas Legrand. Bonjour Fabrice. Chroniqueur politique de France Inter, bien sûr. On vous entend tous les matins à 7h42. On va pas trop revenir sur ce 21 avril 2002, puisque le récit remplit cette mission-là. Tout de même, concernant les sondages, vous me faisiez remarquer tout à l'heure, dans une pré-discussion, que finalement c'était la dernière fois qu'il s'était trompé, et qu'évidemment ça a été un élément important de la sidération de 2002. Oui, c'était un élément important. C'était une époque, en 2002, avant les réseaux sociaux. Il y avait déjà Internet, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et ça, c'est important. Moi, je pense que la bascule du paysage politique ou de notre rapport à la politique et à l'affiliation politique, c'est plus l'apparition vers 2010 des réseaux sociaux que d'Internet à la fin du XXe siècle. Avant 2002, il y avait une sorte d'affiliation politique. C'est-à-dire que on était tous plus ou moins affiliés à un camp politique selon notre famille, notre métier, notre condition sociale. Et c'était une tradition comme ça. Et donc on choisissait en fonction de nos idées. Et on ne parlait pas encore du vote stratège. Certains pouvaient parler, parmi certains militants, de vote révolutionnaire. On votait contre, pas tout à fait pour son idée, mais on avait un petit vote stratégique. Mais c'était réservé à quelques militants très informés avec une idée très précise. Et donc, finalement, on votait sans trop regarder les sondages. Et d'ailleurs, les sondages n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Pas aussi élaboré qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus au téléphone et on maîtrisait moins l'art du panel. Et les sondages s'étaient trompés, se sont trompés. Ils avaient bien noté en fin de campagne une progression de Jean-Marie Le Pen. Ils avaient noté aussi à un moment où on ne pouvait plus parler des sondages et après l'affaire Papivoise, on en a parlé. Vous venez de rappeler. Et on n'a pas pu mesurer. Les sondeurs n'ont pas pu mesurer l'accélération d'une tendance qui existait. Donc finalement, les sondages se sont trompés. On peut dire qu'ils se sont trompés non pas parce qu'ils n'avaient pas les bons chiffres. C'est pas tellement le chiffre. C'est l'ordre d'arrivée qui compte, surtout entre deux tours. Ils n'avaient pas le bon ordre d'arrivée, ce qui est le drame absolu pour un sondeur. Se tromper d'un ou 2%, finalement, c'est pas si grave. Mais de l'ordre d'arrivée, ça c'est dramatique. Et depuis 2007, 2012, 2017, mais quand je dis qu'ils ne se sont pas trompés pour l'ordre d'arrivée des 3 ou 4 premiers, et aussi pour le chiffre final, je le dis, vous pouvez vérifier, c'est quasiment à 0,5 près. Et d'ailleurs, moi j'ai fait le calcul, comme beaucoup d'autres, sur les reports de voix pour cette élection-là. Cette élection de cette année. Oui, de cette année. Les reports de voix, d'après ce que nous disaient les sondages, j'ai fait le calcul en fonction des sondages, j'arrivais à 40%. Oui, et elle a fait 41, vous vous rendez compte? C'est ça. Les sondeurs, il faut casser cette image, ne se trompent plus pour les élections présidentielles. Pour les élections locales, c'est très compliqué, mais pour les élections présidentielles, ils ne se trompent plus. Et surtout, notre sondeur, Ipsos, notre partenaire, évidemment, on a pris le plus sérieux, et c'est vrai, c'est le plus gros panel et les plus sérieux. Mais, et donc, en 2002, ils se sont trompés. Et c'est intéressant de souligner que ceux qui, pour cette élection de cette année, disent « Oh là là, on vote en fonction des sondages, je vote plus exactement pour mon avis précis, mais je vote, j'ai eu un vote stratège, et donc on n'est jamais vraiment satisfait. » D'abord, on n'est pas obligé de suivre les sondages, et en plus, on peut les utiliser quand même. Il n'y a pas que les politiques qui ont le droit d'être stratèges. Les électeurs aussi ont le droit d'être stratèges. Ils ne se gênent pas d'ailleurs. Ils se gênent pas. Et finalement, a posteriori, en 2002, je connais beaucoup de gens qui ont voté Taubira, Chevènement ou pour l'écologie et qui auraient bien aimé avoir des sondages fiables à l'époque. Et donc, c'est pas si inutile. Il faut pas en abuser. Certains en abusent, certaines autres chaînes de radio, évidemment, nous, on est très vertueux, comme on abuse moins. Voilà, on n'arrête pas de s'auto-congratuler. Mais voilà, donc 2002, ils se sont trompés, c'est vrai. Et depuis, ils ne se trompent plus. Alors, concernant, donc, on va dire, l'extrême droite française, pour être globale et pour être précis, le Rassemblement national aujourd'hui, finalement, Marine Le Pen perd pour la deuxième fois, sa famille politique perd pour la troisième fois, donc c'est la vraie machine à perdre, sauf que, ça progresse. Dans le temps, ça progresse. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide pour cette famille politique? On peut regarder dans les deux sens. En 2002, 20 millions de voix séparent Jean-Marie Le Pen de Jacques Chirac au deuxième tour. En 2017, 10 millions de voix séparent Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Et là, 5 millions de voix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bon, c'est pas les mêmes laps de temps, mais à chaque fois que le Front National est au second tour, c'est divisé par deux le nombre de voix qui sépare. Alors, on pourrait continuer à s'amuser comme ça. Alors, soit c'est asymptotique, ça se divise toujours par deux et ça touchera jamais, et ça passera jamais, mais ça c'est une règle mathématique peut-être un peu trop subtile. Soit la prochaine fois, c'est la bonne pour l'extrême droite. Bon, donc effectivement, c'est une défaite parce que, comme le soulignait très perfidement et assez justement Éric Zemmour, ça fait 8 fois que le nom Le Pen perd une élection présidentielle. Donc, dans beaucoup d'autres pays, on serait passé à autre chose. Mais évidemment, le verre à moitié plein, c'est quand même pour eux, de leur point de vue, c'est quand même les 41%, 42% au second tour. C'est ce tour. Qu'ils ont retenu, ils ont plus retenu. Alors, je dirais que c'est plus facile de retenir ce qui a fonctionné pour se consoler. Ça dépend. Mais l'atmosphère générale le soir du deuxième tour chez les partisans de Marine Le Pen, c'était plutôt du soulagement, une certaine satisfaction, un gros échec. C'est très compliqué de définir un sentiment d'abord qu'on n'est pas dans la tête des gens, mais et puis surtout. Par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport au début de la campagne, avant l'arrivée d'Éric Zemmour, les frontistes étaient très confiants. Après l'arrivée d'Éric Zemmour, ils étaient très inquiets. Après la décrue d'Éric Zemmour, ils ont repris confiance. Et ces derniers jours, ils savaient pour la plupart que ça allait pas marcher. Et donc, ils se demandaient, si on fait un 52-48, si on perd à 52-48, on est vraiment installé. Ah oui, c'est un score normal, installé. Quoi. C'est un score normal entre la gauche et la droite, entre le PS et voilà. Il y avait la petite barre de 55. Ils auraient bien aimé être en dessous de 55. Et puis, les deux ou trois derniers jours, avec la dynamique qu'on a pu voir après le débat, les macronistes espéraient toucher 60. Donc, c'est entre les deux. C'est le Front National, le Rassemblement National. Marine Le Pen a fait 41,5 ou 42. C'est un très bon score. Et si on regarde sur le temps long, c'est un très bon score. C'est quand même un très bon score. Et si on se penche... Mais l'essentiel, quand même, ils ont perdu. Ils ont perdu, voilà. Et si on se penche sur les raisons de cette défaite, qu'est-ce qu'il a manqué? Il ne faut pas oublier tout de même l'adversaire, Emmanuel Macron. Il est injouable. En débat, il est injouable pour Marine Le Pen, effectivement. Et ça comptait beaucoup, ça. Alors, ça comptait... En 2017, ça a compté. Ça a compté, ça a amplifié la dynamique Macron. Et là, je pense que ça n'a pas vraiment bougé. Ça a confirmé chacun dans son avis, mais pas peut-être de la même nature. Vous savez qu'une élection, c'est pas des changements. C'est-à-dire qu'une élection ne se gagne pas en faisant changer d'avis les gens. Les gens ne vont pas, tiens, je voulais voter Emmanuel Macron, finalement je vais voter Marine Le Pen après le débat. Non, c'est ce qu'on appelle de la mobilisation différentielle ou de l'abstention différentielle. Ce qu'il faut, c'est mobiliser son camp et faire en sorte que le camp d'à côté ne se mobilise pas. Un débat typiquement comme celui-là fait que certains électeurs habituels ou potentiels de Marine Le Pen ont peut-être hésité, et certains hésitants qui se disaient qui n'aimaient pas tellement Emmanuel Macron et qui depuis et qui d'ailleurs parce qu'ils ne l'aimaient pas, ne le regardaient pas, ne l'écoutaient plus. Là, c'est le débat, ils l'ont écouté, ils l'ont regardé et ils ont quand même vu l'hésitant de gauche qui voit quand même Emmanuel Macron répondre ce qu'il a répondu à Marine Le Pen sur le voile. L'hésitant de gauche, là, il y a de quoi quand même le troubler un peu. Oui, il s'agit quand même de choisir le président de la République pour 5 ans. Avec une formule très brillante, qui signifiait « vous faites des amalgames », c'est ça. Oui, voilà. C'était dit, je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'était bien balancé. Vous faites des raccourcis, vous passez du voile à l'immigration, laïcité, de l'immigration à l'esprit, au terrorisme, par des amalgames, et vous arrivez sur les étrangers. C'était bien mieux que dit ça, que je viens de le dire, évidemment, mais c'était très éloquent, et à mon avis, ces choses-là, ces petits moments-là mobilisent des hésitants de gauche. Certainement. On se retrouve dans 3 minutes, Thomas Laurent. On va parler de ceux qui parlent du troisième tour, ceux qui rêvent du troisième tour. La législative. Exactement, dans 3 minutes. Our love is underwater. I've cried all over you. Slow down, now we've grown. Let's start new. Our love lost in the forest, burning inside of you. Slow down, now we've grown. Let's start new. Thomas Laurent, ce troisième tour, c'est ceux qui en rêvent, hein, qui disent le troisième tour. Évidemment, ils parlent des législatives. Que peut espérer le Rassemblement National pour les législatives. Il peut espérer déjà d'avoir un groupe. Là, le Rassemblement National, après un bon score en 2017, n'a que 8 parlementaires. Donc pas de groupe. Un groupe, c'est 15 parlementaires. Là, il aura certainement un groupe. Il faut rappeler comment ça marche, les législatives. Les législatives, en fait, c'est un peu comme 577 petites élections présidentielles, avec une petite différence, c'est que sont qualifiés non seulement les deux premiers, mais tous ceux qui dépassent 12,5% des inscrits. Alors, la dernière fois, il y a eu 50% de participation. On peut tabler là sur au maximum 50%, ça baisse toujours un peu. Disons qu'il y ait, prenons la même participation qu'en 2017. Mmh. Et là, alors c'est un petit peu, il faut se concentrer, c'est un peu des calculs à faire, mais 12,5% de participation, il faut atteindre en exprimer 25%. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura quasiment et même intégralement que des duels. 577 duels. Donc, un pays c'est divisé en 3 et 577 duels. On peut imaginer que dans ces 577 duels, la très grande majorité, il y aura présidentielle. Bien sûr, la République en marche. Et mécaniquement, l'offre centrale, La République en marche, peut réunir beaucoup plus facilement au second tour que les deux autres, les offres plus radicales sur les côtés. Donc, il y a un risque, j'appelle ça un risque, parce que qu'il y ait une majorité pléthorique. Même dans la majorité, même le président considère que c'est un risque, parce que c'est un peu compliqué si vous avez 28% au premier tour de la présidentielle, un chiffre à peu près comparable au premier tour des législatives, si vous vous retrouvez avec 60% des députés, alors qu'on est en pleine période de crise de la représentativité et de la représentation, ça va pas ranger les choses. C'est pas, voilà, c'est là qu'on peut. On peut reprocher un peu à Emmanuel Macron de ne pas avoir instauré la proportionnelle. Je rappelle que pour changer de mode de scrutin, il n'est pas la peine de changer la Constitution. C'est nous. Donc, voilà, si le président n'a pas pu changer la Constitution, il dit souvent, c'est parce que j'avais pas le Sénat, j'avais pas la majorité, la droite m'en a empêché. Oui, pour changer le mode de scrutin, il n'en avait pas besoin. Il est de bon ton quand même, quand on change de mode de scrutin, avant ça, d'avoir un certain consensus. Il l'a pas eu, il l'a pas fait. C'est dommage. Alors, ça va lui assurer certainement une très large majorité, mais on va retomber dans cette idée de manque de contre-pouvoir. Voilà. Et puis, mais oui. Donc, ça va être compliqué. Mais imaginons un grain de sable. Un grain de sable, c'est si effectivement un des deux autres partis, soit la France Insoumise, mais là aujourd'hui on parle du Rassemblement National, a une véritable avance sur les deux autres au premier tour. Et que donc la machine, le fameux fait majoritaire instauré par ce système imaginé par Michel Debré en 1958, le fait majoritaire marchera à plein pour le Front National. Et donc il pourrait avoir beaucoup d'élus, sans doute pas la majorité absolue, mais une majorité relative. Et il pourrait prétendre à gouverner et avoir un Premier ministre, qu'un Premier ministre soit nommé en son sein, donc Marine Le Pen. Et là, ça poserait un problème parce que, en réalité, que ça, c'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Les trois cohabitations que nous avons vécues en 1986, en 1993 et en 1997 se sont plutôt bien passées. Les Français ont plutôt aimé, et d'ailleurs, surtout celle de 1997 qui a duré 5 ans avec Lionel Jospin, qui a été une période où on a pas mal réformé, où il y a eu une certaine prospérité. Ce gouvernement a beaucoup réformé. Il y avait une cagnotte. Ça s'est mal soldé pour lui politiquement. Comme quoi, on n'est jamais élu sur un bilan. Mais ça pouvait marcher parce que dans les deux cas, c'est-à-dire que le président soit Jacques Chirac ou François Mitterrand, c'est-à-dire de droite ou de gauche, et le Premier ministre de gauche ou de droite, dans les deux cas, PS et RPR, en l'occurrence, avaient la même conception de la politique étrangère, de la diplomatie, de la défense même, et surtout de la construction européenne. Donc ce qu'on appelle le domaine réservé, qui est finalement réservé au président de la République, on dit le président de la République s'occupe au premier chef de la diplomatie, de la défense. En fait, il faut, pour pouvoir s'entendre avec un Premier ministre qui aurait une autre politique économique, sociale ou sur les questions sociétales, il faut au moins avoir ça en partage. Et c'était le cas. Donc ça marchait et on voyait, et les Français aimaient ça, on voyait Jacques Chirac et Lionel Jospin, tous les deux siéger au Conseil européen. On se disait, on est bien représentés, la gauche et la droite, toute la France y est. Et ça avait un certain poids. Mmh. D'ailleurs, la France avait un certain poids parce qu'elle pouvait dire... Elle pouvait dire l'opposition et la majorité sont là. Elle était plurielle. Elle était plurielle et elle disait, vous voyez, nous, la société française, sur ces questions-là, on est tous ensemble, on est forts. C'était pas mal. Sauf que ça ne marcherait pas comme ça. Mais ça veut dire, si ça marche pas comme ça, c'est crise de régime. C'est crise de régime. Alors, ça marchera pas comme ça. D'abord, il faut dire que ça marchera pas comme ça parce que ce qu'on appelle le domaine réservé n'est pas... ne vient pas des institutions. Oui. C'est une pratique un petit peu hasardeuse, un petit peu outrée, disons, par rapport au texte du général de Gaulle qui a instauré ça. Mais en fait, l'article 20 de la Constitution dit que c'est le gouvernement, donc le Premier ministre, qui mène et conduit la politique de la France, même la politique étrangère. Le général de Gaulle, évidemment, s'occupait de tout ça, et tous les présidents ont instauré cette pratique de domaine réservé. Mais aujourd'hui, demain matin, si... en juin, si Marine Le Pen devient Premier ministre, ou Jean-Luc Mélenchon, pour appliquer son programme économique, il faudra qu'elle fasse un bras de fer avec l'Union européenne. C'est ce qu'elle a dit. Jean-Luc Mélenchon, pareil. Vous savez, il y a un danger de paralysie pour la France. Et donc, paralysie. Le président n'accepterait pas. Imaginez pour l'Ukraine aussi. Est-ce qu'on livre des armes à l'Ukraine? En ce moment, on le fait. Et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont contre. On ne peut pas être en désaccord. Les deux têtes de l'exécutif ne peuvent pas être en désaccord. Ça serait un monstre bicéphale, ce gouvernement, ce pouvoir. Alors, admettons maintenant que... crise de régime, on se rend crise de régime. Crise de régime. Donc on va prendre l'hypothèse qui semble la plus probable, c'est que Emmanuel Macron et sa majorité, on est bien d'accord. C'est l'hypothèse mécanique. C'est pas une analyse politique. Non, là, c'est mécanique. C'est quasiment une analyse de logique de fluide, c'est de mécanique des fluides. Je sais bien. Bon. Et hier, alors admettons que effectivement Emmanuel Macron a sa majorité. Hier, Sébastien Chenu du Rassemblement National disait, mais oui, Emmanuel Macron va avoir sa majorité et c'est normal. Moi, j'ai eu l'impression qu'en disant ça, il envoyait Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise dans les cordes, en lui disant, nous, on joue le jeu apaisé de la démocratie, vous vous dites, élisez-moi Premier ministre. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça? Est-ce que ça veut dire, Thomas, est-ce que ça veut dire que le principal adversaire du Rassemblement National pour ces 5 ans, ce sera plutôt la France insoumise? Il y aura deux adversaires. C'est-à-dire que, admettons donc que Emmanuel Macron retrouve une majorité, il y aura un combat sur le leadership de l'opposition. Et c'est là que cette situation macronienne est très compliquée. Il occupe un large centre qui sera perçu et qui est perçu comme le cercle de la raison, et le vrai peuple serait représenté à la fois par Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen contre le peuple de ceux qui vont bien, ou l'élite, ou le système, etc. Et donc, ça fait une France fracturée, non pas en deux projets politiques qui se font concurrence, mais entre le vrai peuple et l'élite. Et effectivement, ils se disputent à peu près un peu le... pas tout à fait la même sociologie, mais il y a une zone d'intersection qui de la population que le Front National, le Rassemblement National, j'y arrive jamais, et la France Insoumise se disputent. Et effectivement, vous savez, les fâchés pas fachos et les fâchés fachos, comme dit Jean-Luc Mélenchon de façon assez maline, effectivement, ça va être quelque chose d'un... En tout cas, ça fera une vie politique assez hystérique quand même, assez dure, parce que ce sont des grandes gueules tout ça quand même. Bon, j'imagine que... Et des radicaux. J'imagine, quelques secondes que vous avez réfléchi à ce que vous allez nous dire demain. Oui, justement, c'est un petit peu dévoilé pour les auditeurs d'Affaires Sensibles, parce que je vais parler justement de la cohabitation qui serait institutionnellement très compliquée et beaucoup plus compliquée que les trois cohabitations que nous avons vécues et plutôt aimées. Donc, un scoop pour vos auditeurs. Parfait. Demain, 7h42. Merci infiniment, Thomas. À demain. Au revoir. Merci, Fabrice. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le 21 avril 2002, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézican. Et après le flash, évidemment, vous retrouverez Antoine Decaune pour Pop, Pop, Pop.